Parce que si on n'en met plus à terre, puis que tu vas dans un restaurant ou tu vas dans n'importe où dans une salle de cinéma, tout le monde est là avec sa cigarette puis tient l'équilibre, la cendre en équilibre. Le propriétaire, il va en acheter des cendriers. Mais non, le monde les met à terre. Fait qu'il passe le balai. C'est pas plus grave que ça. Mais on a des manques au niveau d'éducation parce qu'on est psychologique. Mais lorsque tout le monde est d'accord, quand tu vois clair puis que tu te laisses pas colorer par ton émotivité. Donc, c'est le PMC qui va permettre aux gens de s'insérer dans le village. Il va y avoir l'éducation. L'éducation se fait au niveau du PMC, de ce programme-là. C'est pas sine qua non, mais présentement, c'est à peu près ça qui arrive. On a des résultats. Dernièrement, j'avouais. Puis ça, il faut le faire. Vous voyez comment c'est la politique. J'avouais sincèrement à une personne du PMC que maintenant, on est rendu au PMC 5, je sais que le cours est bon. Parce que j'ai vu le résultat. Je comprenais qu'il devait être bon. C'était évident, c'était intelligent. Et là, le monde qui sont là, il y a du monde là-dedans, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là. Et maintenant, elle s'en maudit. Fait que, il y a des fortes, disons que la majorité des PM sautés, comme on les appelle, vont évidemment avoir une... D'ailleurs, la majorité de ceux qui présentement travaillent au niveau du projet OFSA, c'est du monde du PMC. C'est pas sine qua non parce qu'une personne peut arriver et être intégralement mentale ou supramentale sans PMC. C'est bien évident. Alors, la personne est bienvenue. On est là pas pour créer un village de PM sauté. On est là pour créer un village mental expérimental pour la province de Québec pour l'instant. Alors, c'est pas sine qua non, mais disons que présentement, la majorité des personnes ont une grande possibilité, disons, de se transformer en vue de devenir maître chez eux. Par le PMC, alors évidemment, au niveau du village, c'est ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on leur souhaite et ce qu'on te souhaite à toi-même. On te remercie beaucoup, Daniel.